Chapitre 121, c'est un SOS. La tornade a du mal à passer pour la IS Sports Fédération et pour le football en général. Cette leçon au business est dans la même catégorie que l'intervention de Totov 76 au EA Games l'an dernier. Sauf que cette fois, la ISF va pouvoir se venger en refusant la requête de Caribou 123 et Kobe. Il n'y a qu'une seule façon de se qualifier pour ce mondial. Le Québec n'a besoin que de 30 millions de dollars PF. C'est mission impossible, puisqu'en plus de cela, il faudrait reboucher les dettes engendrées par le faux milliardaire. Un coup de pouce inattendu et qui doit intervenir dans l'heure, dernière échéance laissée par la ISF. Un site web est alors fondé en urgence, afin de permettre à n'importe qui d'être à la tête d'une nation au prochain mondial. Une solidarité apparaît assez rapidement, mais est-ce assez pour qualifier la première équipe participative à la prochaine Coupe du Monde? La notoriété des supporters québécois est énorme sur la toile. Certains font même le tour des comptes Twitter de célébrités pour demander de l'aider. Un ancien rappeur français réputé comme Bling Bling est sollicité. Suite au raffut médiatique et alerté par la situation, il décide de mettre un peu la main à la poche, mais pas assez. Après 45 minutes, la collecte atteint à peine le tiers de la somme demandée. C'est à ce moment que Caribou 123 reçoit un appel. Un généreux donateur arrive dans les 10 minutes avec une valise remplie de petites coupures. Son pactole? 22 millions de dollars PF. C'est même au-dessus du montant demandé si l'on ajoute l'argent des internautes. Le Québec est sauvé car la valise est transmise et validée. Le nouvel investisseur souhaite rester anonyme, mais il a sauvé Caribou 123 et Kobe. Une chose est sûre, ce mystérieux mécène ne restera pas longtemps muet. Sa seule crainte est d'être méprisé par le ballon rond, et plus particulièrement la IS Sports Fédération. Qui est-il? Est-ce le vrai Araï Karas? En tout cas, Caribou 123 et Kobe lui doivent une fière chandelle. Le Québec se qualifie et va pouvoir éponger ses dettes. De plus, il ne s'agissait qu'un premier don, car l'objectif de cet investisseur est de continuer à faire grandir le Québec. Mais cette fois, les fonds sont réels. Chapitre 122, comme si rien ne s'était passé. Le Québec est en liesse. Leur qualification est bel et bien validée. Ils vont donc rejoindre les 11 meilleures nations du football. Après de grandes péripéties, tout était envisagé et surtout le pire. La ISF avait préparé une configuration 112e équipe, mais un invité surprise en a décidé autrement. La France, le Japon, l'Inde, la Chine, l'Allemagne, la Belgique, l'Argentine, les États-Unis, la Zambie, la Malaisie, l'Australie et l'équipe participative du Québec vont donc s'affronter pour le Graal du ballon rond. Les trois pots pour le tirage au sort sont d'ores et déjà prêts. Sans surprise, la France, le Japon, la Chine et l'Inde sont dans le pot gold. Le pot silver compte les États-Unis, favorisés par la ISF, la Belgique, dernier vainqueur des EA Games, mais très novice en termes de football, l'Allemagne et l'Argentine, devenus habitués de ces compétitions. Le Québec est donc dans le pot bronze avec la Zambie, l'Australie et la Malaisie. Puis, n'ayant perdu les droits exécutifs de ce tirage au sort, la configuration poker a été abandonnée. C'est donc une cérémonie on ne peut plus normale qui se déroulera pour ce mondial 2056. Nous aurons quatre groupes où sont déjà les nations gold, et au fur et à mesure, ils seront rejoints par les nations bronze et argent. Cette année, la ISF refuse que deux équipes du même continent s'affrontent. Le Québec ne pourra pas affronter les États-Unis, tout comme la France ne sera pas opposée à la Belgique ou à l'Allemagne. Dans cette configuration, la Malaisie est obligatoirement reversée dans le groupe de la France. En effet, puisque le Japon, la Chine et l'Inde sont asiatiques, les Tigres malais joueront impérativement en Europe. Peu de hasard, puisque le dernier adversaire des Bleus ne devra être choisi qu'entre les États-Unis et l'Argentine. C'est donc l'Argentine qui complétera le groupe français. Le Japon sera opposé à l'Allemagne, l'Inde aux États-Unis, alors que la Chine accueillera la Belgique. Les trois nations gold asiatiques vont connaître leur troisième adversaire entre l'Australie, la Zambie et le Québec. À noter que les Québécois affronteront automatiquement le Japon ou la Chine, car l'Inde a déjà tiré une nation américaine. Le Québec versé dans le groupe chinois avec la Belgique. De leur côté, les Zambiens iront défier le Japon et l'Allemagne. Inévitablement, l'Australie sera dans le groupe indien avec les États-Unis. Les favoris sont connus, mais des surprises peuvent survenir, comme la France en 2050. Chapitre 123, le groupe de la mort. Le Québec est donc dans le groupe de la Chine, double championne du monde en 2050 et 52, et la Belgique, dernier vainqueur des Ye Games. Le Québec, avec son statut de nation à problème, complète tout ça pour former le groupe de la mort. La France est mieux lotie avec la Malaisie, qui participera à son premier mondial, et l'Argentine qui s'est qualifiée aux 5 dernières Coupes du Monde, mais qui n'a jamais réussi à passer le premier tour. Le Japon sera opposé à l'Allemagne, finaliste du dernier tournoi destination européenne, et la Zambie, totalement inconnue sur la scène footballistique. Leur dernier titre date de 44 ans et la Coupe d'Afrique des Nations 2012. Pour l'Inde, ce sera un peu plus difficile, mais pas insurmontable. Les États-Unis peuvent créer la surprise et devenir, enfin, un grand du saucer. L'Australie va avoir du mal à passer, mais le mondial réserve très souvent de belles surprises. Les calendriers sont déjà élaborés. Les équipes silver et bronze s'affrontent lors de la première journée. L'équipe bronze poursuivra son mondial face à l'équipe gold. La troisième et dernière journée se disputera entre l'équipe gold et l'équipe silver afin de pouvoir espérer une finale des groupes. Le Québec jouera donc sa première journée contre la Belgique et continuera contre la Chine. Les Québécois assisteront ensuite à la rencontre entre les Chinois et les Belges. De son côté, la France terminera sa phase de groupe contre l'Argentine. Une semaine avant, ils auront essayé de défaire la Malaisie. Le mondial peut donc continuer et il débutera dans 3 mois. Mais la préparation des Québécois sera-t-elle enfin sereine? Chapitre 124. V comme Vendetta. Un mystère reste entier puisque le nom du nouvel investisseur n'a toujours pas filtré. Caribou 123 et Kobe ont été maintenus à leur poste malgré la dernière gruge. C'est donc en ce sens qu'ils viendront aujourd'hui au rassemblement. Des petits nouveaux sont arrivés. Débarqué de son poste en Suisse, Killer Croche 23 a été recruté par le Québec afin d'effectuer la même mission. Son précédent bail ne fut pas un échec, mais le Français a eu quelques déboires avec la justice suisse. Rien de grave. Le nouvel investisseur a offert un joli point de chute à l'ancien coordinateur de la sélection suisse. Mais qui est le sauveur du Québec? Une chose est sûre, il aime les Français. La rumeur dit qu'il pourrait être présent à la conférence de Caribou 123 et Kobe. Face à la webcam Skype, il y a 5 chaises. Nous aurons Caribou 123, Kobe et Killer Crush 23, mais donc 2 invités. Il n'y aura pas un sauveur, mais bien 2. Un bruit court et il paraît surprenant. Ami de Caribou 123, Faitsam aurait été approché. Mais son projet belge n'est pas terminé. L'ancien joueur des Reds est à la tête d'une sélection belge sortant d'EA Games Heroic. Le voir tout quitter pour partir au Québec paraît totalement impossible. La vérité peut être ailleurs, mais pas très éloignée. Les 2 héros du Québec apparaissent devant la caméra. Et c'est énorme. Totov 76 et Romain, les 2 troubles-fêtes anti-ISF, ont mis un nouveau coup de pied dans l'entrejambe du géant du football mondial. La doublette a réussi à s'imposer à la tête d'une équipe capable de remporter le mondial. Aujourd'hui, tout est possible. Leur discours est revanchard. Ils veulent être le petit poussé, l'empêcheur de tourner en rond. Le Québec va mettre les bouchées doubles pour faire tomber un par un les titans. C'est pour cela que Killer Crush 23 a été recruté. En 2056, il faudra compter sur les Québécois. Leur première victime sera la Belgique, pour ensuite faire chuter la Grande Muraille de Chine. Les 2 cibles sont donc les 2 plus grands symboles du football, version eSports Fédération. Chapitre 125, les vieux démons. Avec tous ces mystères élucidés, le Québec peut préparer tranquillement son mondial, qui débutera dans 3 mois. le quintet français veut porter la sélection québécoise au sommet du football mondial. Pour la première fois, les joueurs vont participer à un stage de préparation en France, à Saint-Martin-de-Beaucherville. Totov 76 connaît très bien cette ville, puisqu'il en est toujours maire. Le football a peu à peu disparu de la ville normande depuis le départ de la franchise Voelia et son déménagement à Lyon. Seuls deux joueurs de la sélection québécoise n'ont pas su se libérer de leur franchise afin de participer au stage français. Ils viendront tout de même pour le match amical prévu face à la Sicile. Une rencontre qui fait office d'entraînement. C'est un peu comme quand la France affrontait le Québec juste après le Mondial 2050. Aujourd'hui, le sparring partner n'est plus québécois. Mais attention, la Sicile n'est pas novice. La jeune sélection est tombée au quatrième tour des dernières qualifications européennes au Mondial 2056. Après avoir battu la Nouvelle-Russie, l'île de Man et la Serbie, les Siciliens ont été sévèrement séchés par le Royaume-Uni, 8-0. Avec 3 jolis matchs, la Sicile a montré qu'elle pouvait être un futur grand. Un joli signe à un an du retour du championnat d'Europe des Nations. En face des membres du territoire autonome italien, le Québec devra rester concentré, sans sous-estimer leur adversaire. Avant tout cela, il y aura 4 jours de préparation avec au menu de l'endurance, de la musculation et du ballon rond. Killer Crush 23 décide de participer aux petites oppositions sous les yeux de Romain et Totov 76. Caribou 123 et Kobe doivent également être au niveau. Pour ce dernier, il s'agira de sa première compétition de haut niveau. Killer Crush 23 suit péniblement ses joueurs. Il est très loin, le joueur qui est passé par Toulouse, mais également le King Club Ural Colli. Il a rechaussé les crampons malgré la blessure contractée il y a presque 3 ans. Ses joueurs le voient être peiné par ses chevilles. Il reste donc tendre avec lui. Killer aggrave son cas seul. Après 1 heure d'endurance, Romain conseille au Toulousain de s'arrêter. C'est à contre-cœur qu'il s'exécute.